Bonjour, c'est Mathieu, le créateur de Tell Me. Exceptionnellement, cette semaine, pas de nouvelle histoire. Mais je vous propose deux choses. D'abord, d'aller découvrir un podcast que j'adore. Il s'appelle Encore une histoire. Vous pouvez le trouver partout. Chaque semaine, il vous lise une histoire tirée d'un livre de littérature jeunesse. Et c'est vraiment trop chouette. Ensuite, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'une de nos premières histoires, Le sculpteur d'étoiles. Bonne écoute, et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Shams n'a jamais connu ses parents. C'est la directrice de l'orphelinat, Madame Oetker, qui l'a trouvé un matin devant la grille. Du fond d'un panier en osier, il gazouillait, blotti dans une couette toute douce. Une carte blanche tachée de larmes disait « Puisse-t-il avoir une meilleure vie grâce à vous ?» L'orphelinat de Madame Oetker est vieux et biscornu. Du genre à vous faire peur si vous passez devant, surtout la nuit. Avec les lumières allumées à l'intérieur, on dirait un monstre prêt à bondir. Malgré cela, les enfants s'y sentent bien, d'autant que l'intérieur est douillet et lumineux. Et puis Madame Oetker fait la part belle à l'exploration, aux expérimentations, aux jeux et à la lecture. À l'échange aussi, entre pensionnaires et puis avec les adultes. Tout cela pour trouver sa voie, celle qui permet de s'épanouir et de se sentir encore mieux. Shams a toujours aimé les pierres. À 5 ans, il possède déjà une énorme collection des plus belles trouvées dans la cour de l'orphelinat et sur le chemin de l'école. Il les garde dans une boîte à outils soigneusement enveloppée dans du papier journal. Il en a toujours une avec lui, la pierre du jour. Toujours différente en fonction de ce qu'il va faire. Au petit déjeuner, alors qu'il montre sa pierre du jour à ses amis, Madame Oetker vient le voir et lui dit « Quelle belle pierre ! On dirait un talisman !» Qu'est-ce que c'est ? Un petit objet qui protège la personne qui le porte. Ouah, trop bien ! Et vous en avez un ? Non, mais je suis sûr que tu pourrais m'en faire un. Oh oui ! Vous voulez choisir une pierre ? Après, je vous la décore. Avec joie. Shams part en quatrième vitesse dans sa chambre et ramène sa boîte à outils. Le choix de Madame Oetker se porte sur un galet blanc, zébré de gris, parfaitement plat. Quelques jours plus tard, Shams revient voir la directrice et lui tend quelque chose enveloppé dans du papier journal. Elle l'ouvre avec soin et découvre le galet, gravé d'une spirale parfaite, composée d'une myriade de tout petits points. Émerveillée, elle lui dit « C'est splendide ! Comment as-tu fait ? J'ai pris un compas dans la salle de dessin, sauf qu'il est moins pointu maintenant, » répond-il penaud. « Ce n'est pas grave, on va en trouver un autre. » Peu de temps après, Madame Oetker revient voir Shams avec un cadeau. Une petite sacoche pleine d'instruments pour tailler les pierres. « Il te faut de bons outils si tu veux faire d'autres talismans !» lui dit-elle complice. Depuis ce jour, Shams s'exerce dès qu'il a du temps. À l'école, certains le regardent bizarrement quand il s'assied dans un coin de la cour pour sortir sa pierre du jour et quelques outils. D'autres, les plus méchants, l'appellent « le bébé au caillou ». Mais Shams s'en fiche, parce qu'il fait quelque chose qu'il aime, et c'est le plus important. Plus Shams s'entraîne, plus il se rend compte qu'en plus de graver ses pierres, il adore leur donner une forme unique. Quand il les taille, il donne l'impression de danser sur une mélodie que lui seul entend, rythmée par les coups précis et délicats de ses bras qui battent la mesure. Vient la fin de l'été de ses 16 ans. Il travaille désormais dans le vieux garage de l'orphelinat aménagé en atelier. Shams apporte la touche finale à une pierre très spéciale, le cadeau de départ à la retraite de Madame Oetker, une splendide étoile de jade taillée en dentelle, délicate comme celle qui l'a guidée toutes ces années. Absorbé par son travail, il ne voit pas un point lumineux derrière lui qui explose silencieusement en une myriade de petits traits, laissant apparaître une vieille dame. Un peu voûtée, le visage ridé, elle porte un tablier d'atelier noir, une chemise, un jean et des bottes en cuir, également noires. Ses cheveux arc-en-ciel sont tirés en un chignon impeccable. Sans un bruit, elle regarde par-dessus l'épaule de Shams, puis murmure enjouée. « Mon Dieu ! Mais quelle merveille !» Le jeune garçon concentré répond machinalement « Merci, j'ai mis tout mon cœur !»« Ça se voit » dit-elle amusée. Shams tourne la tête, tombe à la renverse et fait valser sa création, rattrapée à temps par la vieille dame. Vos cheveux ? Bégaye Shams, ne sachant que dire d'autre. Tu aimes ? Vous, Je suis Nyota. Je t'observe depuis si longtemps, j'ai tellement hâte. De quoi donc ? Demande-t-il encore plus confus. De voir si tu vas nous rejoindre. Je suis à la tête d'une petite entreprise qui sculpte les étoiles. Elle claque des doigts, une étoile apparaît devant elle, resplendissante. Sa lumière bleutée remplit l'atelier. Puis, elle en fait apparaître d'autres, à chaque fois plus belles les unes que les autres. Chacune est unique et protège celui pour lequel elle a été créée. Comme des talismans ? Demande-t-il en se relevant les yeux écarquillés. Tout à fait. Sauf que nous créons des étoiles pour chaque être vivant dans ton monde et dans tous les autres. Shams la regarde avec de grands yeux. D'un coup, les étoiles disparaissent. Nyota lui tend la main. « Viens, suis-moi !» Machinalement, il la prend. Elle claque encore des doigts et ils arrivent dans un atelier à peine plus grand que celui de Shams. Il est baigné de lumière grâce au plafond qui donne sur un ciel bleu. Les murs sont recouverts de pierres qui attendent d'être taillées. Planté en plein milieu de la salle, devant un petit établi et debout sur un tabouret, se tient un vieux nain pourvu d'une longue barbe rousse tressée. Les poches de son tablier en cuir débordent d'outils. Il tient entre ses mains, protégé par d'épais gants, une boule de lave en fusion de la taille d'un ballon de football. Délicatement, le nain dépose la sphère palpitante sur son plan de travail. Il jette ses moufles pour saisir plusieurs outils. Tout comme Shams, il commence à danser autour de la sphère rougeoyante. Ses gestes précis s'accompagnent d'étincelles et de petites gerbes de flammes qui crépitent en rythme. Son travail se transforme en un feu d'artifice hypnotique. Quelques minutes plus tard, une splendide étoile au reflet de feu est née. Nyota applaudit. « Quelle superbe création, Hector !»« Merci ! Je vais pas te le cacher, j'en suis pas peu fier !» dit-il en sautant de son tabouret. « Oh, mais dis donc, c'est le nouveau ? Shams, c'est ça ?»« C'est cela. Pourrais-tu lui faire le tour du propriétaire ?»« Avec plaisir ! Suis-moi, petit gars !» Hector claque des doigts. Il se retrouve dans une salle gigantesque. Shams a l'impression d'être dans un hall de gare. D'étranges créatures pilotent des chariots remplis à ras-bord de pierres. Des centaines d'étoiles flottent dans les airs et se dirigent vers des portes qui s'ouvrent automatiquement à leur approche. Des dizaines de sculpteurs croisent leur chemin. Shams ne sait plus où donner de la tête. Hector le tire de sa confusion. « Allons voir d'autres sculpteurs dans leur atelier. Tu vas voir, ils sont tous formidables !» Il passe d'atelier en atelier. Trolls, elfes, loups-garous, lapins, dragons, fées, bulles de gaz et autres personnages bizarres, tous s'arrêtent de travailler pour parler. Chacun sculpte des étoiles pour ses semblables. Shams est émerveillé. À la fin de la visite, Nyota réapparaît et lui fait une proposition. « Rejoins-nous. Avec ton talent, tu peux créer de magnifiques étoiles pour guider et protéger de nombreux humains. Tu seras nourri, logé, blanchi. Tu pourras retourner sur Terre aussi souvent que tu le souhaiteras. Mais interdiction de parler de nous. Tu pourras aussi nous quitter quand tu voudras. Mais tu oublieras tout de cet endroit. Qu'en dis-tu ? » Shams saute de joie. « Carrément, je veux faire ça, c'est trop top !» Nyota et Hector sourient. « Mais j'ai un dernier truc à faire avant, je dois rentrer !» Encore un claquement de doigts, et Shams est de retour dans son atelier. Il se sent léger. Un sourire aux lèvres, il enveloppe sa création et se rend dans le bureau de Madame Oetker. Elle ouvre soigneusement le paquet. L'émotion la rend muette. Alors il lui dit « Madame, j'ai trouvé une famille et un travail. Je vais tailler des pierres. Je pars demain, comme vous. Je viendrai vous voir le plus souvent possible. » Le lendemain, devant la grille de l'orphelinat, ils s'étreignent. Madame Oetker monte dans sa voiture, se retourne pour regarder Shams une dernière fois, mais il n'est déjà plus là. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.